Bon, là, ça va pas pire, mais je vous prie d'excuser votre serviteur ce matin qui est grippé. Puis vous le savez, une grippe d'homme, c'est près de la mort. Mais la parole, elle, est en pleine santé, alors que Dieu dirige ce matin. On est dans Exode 32. Merci Jean-Claude, c'est une bonne mise en bouche que tu as fait. Donc, on fait une pause là, de toutes les descriptions détaillées, les directives que Dieu donne à Moïse. Ça fait sept chapitres, en fait. Moïse est monté sur la montagne dans le chapitre d'Exode 24. Et là, on est à 32, donc les sept derniers chapitres étaient vraiment les directives que Dieu donne à Moïse. Et là, c'est le fameux veau d'or. Puis c'est intéressant, moi, je le redécouvrais en le relisant et en préparant ça cette semaine. Et puis, je vous amène en introduction dans 1 Corinthiens 10. Je vous invite à prendre ça. Je vais vous le lire, moi, dans Louis II. Je vais lire les versets 1 à 13 en introduction. Puis après, là, je vous expliquerai le lien de tout ça. Alors, ça dit, 1 Corinthiens 10, 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux. S'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, je vous lis ce passage-là. Bien, premièrement, il y a un contexte, c'est-à-dire que c'est Paul ici qui revient sur justement tous les événements d'Exode en faisant une sorte de sommaire en disant que tout ça existe pour nous enseigner quelque chose, nous qui sommes à la fin des temps. Et puis ça vient aussi à la fin, c'est pour ça que j'ai lu les versets 12 et 13, avec attention de ne pas tomber. Si vous pensez être debout, attention de ne pas tomber. Et puis en fait, moi, ça a été ça, là, l'expression... le « aha moment ». Ça a été ça qui est venu me chercher. Ça a été comme tout un débat, je vous dirais, même cette semaine, parce que en lisant Exode 32, c'était super clair pour moi que Aaron, Moïse, dans leur attitude, ce qu'ils vont faire dans Exode 32, qu'on va lire ensemble, là, c'est vraiment une expression, un exemple, une attitude très tranchante entre l'obéissance et la désobéissance. Et là, pour moi, ce que ça me disait, c'est, ben si tu n'obéis pas, ben tu es donc forcément en train de désobéir. Et là, je me dis, oh, moi-même, là, est-ce que je suis vraiment en train d'obéir en tout, mais absolument tout? Pas tant, je suis un enseignant bien imparfait. Puis là, je me disais, comment aborder ça? Mais en fait, c'est une mise en garde, mais qui vient aussi avec le verset 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, en fait, tout ça fait partie de l'apprentissage. Et puis, ce texte-là qu'on lit ce matin est là pour nous enseigner à faire attention. Et là, justement, pour me dire que si je n'obéis pas, je suis en train de désobéir. Donc, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez déjà pris conscience que si vous n'êtes pas pleinement, 100% en train d'obéir, vous êtes donc en train de glisser tranquillement vers la désobéissance? Avez-vous pris conscience de ça? Bien, en tout cas, ce matin, j'espère que vous allez vivre la même chose que moi, c'est-à-dire en prendre pleinement conscience, puis dire « Oh! » Parce que tout ça est positif. Ça fait partie de ce que Dieu nous enseigne avec sa parole. Alors, on est dans Exode, plus particulièrement 32. On va le lire ensemble avant de tomber dans les trois enseignements de ce matin. On est dans le dernier bloc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, Michel, quand il avait fait l'introduction du livre, avait séparé ça en trois blocs. Là, Israël en Égypte, sur le chemin du Sinaï, au Sinaï. Puis là, on est à peu près au milieu du troisième bloc. C'est-à-dire qu'on a vu la loi de Dieu, le tabernacle, et là, on est rendu dans la profanation, si on veut. Michel avait appelé ça le culte de Dieu profané. Puis ensuite, on va arriver vers la fin, là, jusqu'au chapitre 40 d'Exode. Donc, lisons-le ensemble. Moi, je vais le prendre dans ma Bible, mais je vous l'ai affiché aussi, comme à l'habitude. Alors, on va commencer par les versets 1 à 11. On va prendre une petite pause, je vais vous commenter quelques éléments, puis ensuite on va poursuivre. Donc, versets 1 à 11, Exode 32. « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons! » Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. » Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Je prends une petite pause ici. Déjà, ça fait 40 jours que Moïse est sur la montagne. 40 jours, c'est long, là. Si on se met dans la place du peuple qui est là à attendre, 40 jours, c'est long. Si on retourne, là, on est le 10 mars, si on retourne 40 jours en arrière, c'était le 30 janvier. Bon, depuis le 30 janvier, là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu des inquiétudes, cédé à des tentations, vous avez été impatient de certaines choses? 40 jours, c'est long. Du point de vue humain, du point de vue de Dieu, c'est pas long, mais du point de vue humain, c'est long. Un point aussi sur lequel en jaune, ici, je vais attarder une précision ou attirer votre attention plutôt, c'est que Aaron ici, il prend vraiment le lead. Okay? Donc, il bâtit un autel devant lui. Aaron fait ça. Et puis là, il dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, il prend le lead, mais pour pécher. Ensuite, un autre élément en vert ici. Dieu dit à Moïse, ton peuple. Ça a attiré mon attention, parce que c'est le peuple de Dieu. Mais Dieu, il dit, va, descends, car ton peuple, il dit ça à Moïse. Moïse, il pourrait dire, le peuple que tu m'as donné, comme Adam dans le jardin. Mais il ne dit pas ça. Moïse prend le lead, ici dans verset 11, mais lui en implorant Dieu. Il implore Dieu, puis en hébreu, je suis allé voir dans l'hébreu, je trouvais ça intéressant. Il négocie avec Dieu. Ah, mais non, mais fais pas. C'est pas ça, là. Implorer, si on lit en hébreu, là, c'est. Puis là, je n'ai pas un très bon pour prononcer en hébreu, mais kalapielpanim. Hein? Puis ça veut dire être ou devenir faible, être ou devenir malade, affligé. Puis en face, en présence de Dieu. Fait que c'est comme il s'effondre. Moi, c'est comme ça je l'imaginais, là. Il s'effondre. T'sais. Non! Parce qu'en fait, Moïse est en train de recevoir toutes les directives qu'il va amener au peuple. Puis c'est un moment glorieux à quelque part. Puis là, Dieu dit, il vient de terminer ses directives en quelque sorte. Puis il dit, ben, bam, ils viennent de désobéir aux commandements sur lesquels il avait juré de suivre. Donc, c'est un effondrement là, pour Moïse. C'est quelque chose de gros. C'est pas juste une petite imploration. Bon, est-ce qu'il y a des niveaux d'imploration? Je ne sais pas. Mais je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Si on continue au verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer? Là, Moïse est toujours en train d'implorer l'Éternel. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc, avant qu'on poursuive avec les derniers versets, j'attire votre attention sur le fait que Josué est avec Moïse. Il n'est pas dans la situation, il est dans la montagne. Il n'est pas avec Moïse dans la nuit, a priori, c'est ce qu'on en comprend, mais il est sur la montagne, donc il n'est pas avec le peuple. Fait intéressant, parce que plus tard, Josué va devenir le leader, le chef du peuple d'Israël. Donc, on voit qu'il y a déjà comme un rôle un petit peu à part, Josué. Je voulais vous faire remarquer ça. Moïse qui brise les tables. Hein, les tables sont bien décrites dans les versets. Puis on voit que c'est Dieu lui-même qui a écrit les tables. Donc, c'est à quelque part un sacrilège de briser ça. Mais c'est un sacrilège à l'image du sacrilège spirituel que le peuple d'Israël vient de commettre. C'est comme une représentation physique, si on veut, de la cassure spirituelle qui vient de se produire. Ensuite, au niveau de la poudre, le fait qu'il ait fait boire la poudre, dans un autre, tout à l'heure, je vous lirai des bouts d'un autre passage où Moïse, une sorte de flashback, re-raconte cette histoire-là dans Deutéronome. Puis la poudre, elle est mise dans un courant d'eau. Donc, ici, il leur fait boire. J'ai cherché un peu des repères. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la meilleure, les meilleures références par rapport à ça. Mais ici, ce qui me venait à cœur ou en tête, c'était de dire, il leur fait boire le fruit de leur péché, si on veut, à quelque sorte. Puis c'est pas sans repère avec la coupe de l'Alliance. Tu sais, le fait de boire l'Alliance, le péché, je voyais un lien à ce niveau-là que je voulais vous partager. Ensuite, Aaron, en jaune, fait intéressant, Aaron blâme le peuple. Hein, tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Oui, mais Aaron, c'est toi qui le fais. Fait à quelque part, là, c'est intéressant d'observer sa réaction dans la situation. On va en reparler tantôt. C'est le premier enseignement, justement. Et on termine le texte jusqu'au verset 35, donc les derniers versets. On est à 24. Alors, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sans dépouille, et là c'est toujours Aaron qui répond à Moïse, qu'ils ont de l'or sans dépouille, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. À nouveau, là, Aaron, c'est comme si c'était un accident. Il y a un veau qui est sorti. C'est toi qui l'as façonné, tu l'as mis dans un moule. Fait que intéressant si on reste dans ce thème-là. Ensuite, si je continue à 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3 000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Donc, un point important ici qui pourrait prêter à certaines mauvaises interprétations. Ici, quand ils disent, je suis au verset en bleu, verset 28, les enfants de Lévi frappent, donc ils tuent 3 000 hommes. Ma compréhension à la lecture du contexte et tout, c'est que ceux qui sont exécutés, c'est ceux qui sont à l'origine du péché, là, ou qui se sont laissés embarquer là-dedans. C'est pas quand dans les versets avant, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser, parcourir le camp d'une porte, et que chacun tue son frère, son parent, c'est pas que chacun tue tous ses frères et ses parents, hein, c'est pas ça. C'est plutôt que parmi ceux qui ont participé à la chose, il y en a que c'est peut-être des frères et des parents. C'est la compréhension que j'en ai du texte, là. Ensuite, en jaune, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, là, Aaron qui amène ça comme des circonstances, comme par hasard. Donc, il blâme les circonstances, il blâme le peuple, mais il ne prend pas du tout ownership. Et là, on a en contraste total avec ça, Moïse qui dit au verset 32, c'est en vert devant vous, il dit, « Sauve le peuple, efface-moi de ton livre. » effacer Moïse de son livre, ça revient à ce que Moïse n'a plus accès à l'éternité. Hein, le livre de Dieu, c'est, on le voit dans Apocalypse, à plusieurs moments dans la parole de Dieu, ce livre-là est mentionné. Et puis, c'est l'éternité. Donc, Moïse renonce, est prêt à renoncer à ça par sacrifice pour le peuple, pour sauver le peuple. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. Il y a quelque chose de fort. Ce n'est pas rien, ce n'est pas banal. Et donc ici, il y a vraiment un contraste super fort entre l'obéissance de Moïse, qui va jusqu'au sacrifice de lui-même, à l'image de Jésus, et Aaron qui blâme les circonstances, mais qui au final s'est juste fait influencer par le peuple, influencer par le monde, il a voulu leur plaire. Et c'est de ça dont on va parler. Ce sont, en fait, les trois enseignements. Donc, ce matin, là, ce sur quoi je veux mettre l'accent et qu'on va regarder ensemble, c'est que la désobéissance, donc l'attitude d'Aaron, si on veut, de désobéissance, c'est très sournois. Ça s'immisce dans toutes sortes d'affaires, de considérations. On va regarder ça ensemble. L'obéissance, c'est précisément ce que Dieu demande. On va voir des versets qui rappellent à ça. Donc, c'est précisément ce que Dieu demande et c'est exactement ce que Jésus enseigne. Donc, on va voir ça aussi. Et puis, entre les deux, il n'y a pas de compromis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est noir ou blanc dans ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui voit... Tu sais, je suis à l'aise de voir les nuances puis de discuter. Mais là, ici... Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc, c'est tranchant. C'est on obéit ou on désobéit. C'est juste une question de temps. Donc, pour rappel, juste avant qu'on se lance dans tout ça, je veux juste remettre les choses en contexte pour ramener à quel point le veau d'or est un péché. Okay? On a dans Exode 20, si on revient un petit peu en arrière, puis on l'a vu ensemble, mais si on revient un petit peu en arrière, Dieu donne un commandement concernant les images taillées, les représentations des choses divines. Donc, si je lis à Exode 21, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Donc, c'est un commandement que Dieu leur a déjà donné à tout le peuple, mais évidemment à Moïse et Aaron qui en sont les premiers témoins. Donc, ça, c'était dans Exode 20. Si on va un petit peu plus loin, dans Exode 23, bien là, ici, c'est le lien entre le fait que les images taillées sont une imitation, à quelque part, du culte des peuples ennemis de Dieu. Donc, si je vous lis Exode 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens et les Éthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, toutes les bénédictions viennent en contraste ici avec le fait de dire, imitez pas les peuples qui sont ennemis à Dieu. Et puis, Jean-Claude me faisait remarquer que dans Josué, un peu plus loin, Josué revient sur le fait qu'en Égypte, le peuple d'Israël imitait les Égyptiens de cette manière-là, servait pour les Égyptiens, probablement dans un contexte d'esclavagisme, en quelque sorte, servait pour le service de ces autres dieux-là, adorait ces autres dieux-là. Donc, ce qu'ils font avec le veau en fond, c'est qu'ils reviennent à ça, qui est exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Donc, ce n'est pas banal, ce n'est pas un petit péché, puis surtout, Aaron le sait. Mais c'est comme drôle, il l'a oublié. Il l'a oublié ou il s'est comme fait convaincre. Puis là, il blâme le peuple, il positionne le péché comme une sorte de hasard. Là, c'est sorti de tout ça. Mais en fait, je vous le disais tout à l'heure, dans Deutéronome 9, Moïse revient sur cet événement-là. Donc, c'est plus tard, dans Deutéronome 9. Et là, Moïse revient là-dessus. Le texte est quand même assez long, là. C'est comme 14 versets, mais juste vous amener quelques éléments de précision. Donc, ça commence, « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. » Donc, Moïse dit, « N'oubliez pas là, ce qui s'est passé dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. » Là, il cite plusieurs éléments. Là, à Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel. L'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Donc là, c'est cet événement-là. Plus loin, verset 12, l'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple, encore ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Donc lui, il cite ce que l'Éternel lui a dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et plus loin, au verset 20, et c'est là-dessus que je vais attirer votre attention, verset 20, j'ai fait une erreur dans la diapositive, c'est pas 21, c'est bien le verset 20, pardon pour ça. Le texte dit « L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu et je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre et je jetai ses poudres dans le torrent qui descend de la montagne. » Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ici, l'Éternel est vraiment en colère contre Aaron et avec raison. Parce qu'Aaron, en prenant le lead, si on veut, de faire cette situation-là, connaît le fait que c'est un péché contre les commandements de l'Éternel. Et ce n'est pas sans rappeler ou sans faire un pont avec, à quelque part, une autre situation similaire qui est dans 1 Samuel 15, les versets 16 à 25, plus particulièrement, c'est Samuel qui reproche à Saül quelque chose de vraiment similaire. La situation est très semblable. Donc, Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? » Là, il ramène au début de son règne. Il ramène au début, « As-tu pas appris ça? » Exactement comme le peuple d'Israël qui a appris les choses, qui a eu les commandements, qui s'est engagé par rapport aux commandements. Donc, Samuel ramène Saül au début. L'Éternel t'a béni, là, il t'est devenu chef des tribus. L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Là, ce qu'ils ont fait, c'est que parmi ce que l'Éternel avait dit, c'est « Vous tuez tout le monde, mais même le bétail. » Parmi le bétail qui était pour être tué, ils ont dit « Ah, ben tant qu'à faire, on pourrait les sacrifier pour l'Éternel. » Mais c'est pas ça que Dieu a dit. On joue sur les mots ici. Donc, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, là il a peur, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. Je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Donc là ici, Saül se repent. Mais le point le plus important ici, c'est Saül dit à vous, un petit peu ce que Aaron a vécu, hein. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Bon, c'est un petit compromis. En anglais, il y a l'expression « white lies ». Hein? Un mensonge blanc, ça se traduit mal, là, mais c'est un peu ce genre de compromis-là. Tu sais, c'est, bah, on a juré à l'Éternel qu'on allait exterminer tout le monde, mais tu sais, si le peuple veut en sacrifier une coupe pour célébrer, là, OK, on va le faire. Mais non, c'est pas ça le commandement. On peut pas jouer avec les mots. Ça revient vraiment au serpent dans le jardin qui va jouer avec les mots. Il dit pas un vrai mensonge. Hey, il a dit complètement d'autres choses, mais non. C'est magouille, là, tu sais, c'est sournois. Mais en fait, la désobéissance, c'est ça. C'est sournois. C'est des petits mensonges qui viennent s'immiscer dans nos comportements, dans nos agissements, dans nos décisions, et qui tranquillement nous mènent à avoir une plus grande crainte du peuple comme Saül ou du monde, des choses du monde, que une plus grande crainte de Dieu. Et c'est là qu'on commence à voir le côté tranchant de la chose. Et ça me permet de revenir sur le jeune homme riche, c'est Christian qui avait enseigné sur ce passage-là il y a 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Revisiter ça avec un œil nouveau. En fait, je ne vais pas relire le passage, mais ici, si on regarde le jeune homme riche, il est un peu dans cette situation-là, parce qu'il dit à Jésus, j'ai tout fait, là. J'ai tout fait. Moi, je crois en Dieu, j'ai tout fait. J'ai fait les sacrifices, les ci, les ça, etc. Puis quand Jésus lui dit, OK, ben parfait, abandonne tes richesses. Oh, là, ça bug. Parce que tranquillement, au travers de ses craintes qui sont davantage dans le monde que dans Dieu, il a voulu tout faire, mais pourtant, il y a une chose qu'il n'a pas faite, c'est-à-dire abandonner sa crainte du monde, de la perte de ses richesses, c'est ça sa peur, pour vraiment se confier en Dieu. Donc, je vous donne le défi, là. Si vous pensez à cette semaine, là, une situation qui vous préoccupe, là. Quelque chose qui s'est passé cette semaine, là, puis c'est une situation qui vous tient à cœur, là. Pensez à ça, là, t'sais. Derrière cette préoccupation-là, c'est quoi la peur qui se cache? Puis cette peur-là qui se cache derrière votre préoccupation, c'est relié à la crainte de quoi? Parce que si c'est pas relié à la crainte de Dieu, bien, tranquillement, c'est vraiment, on revient à 1 Corinthiens 10, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ça, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens avec l'expérience de la chose. Donc, le peuple qui se détourne, Aaron qui irait de Dieu, ça nous donne un enseignement très fort sur le fait que quand on se croit debout, il faut prendre garde. Il y a sournoisement des petites désobéissances qui se glissent. Mais il y a un deuxième exemple, il y a un deuxième enseignement qui vient à quelque part équilibrer, ou pas équilibrer, mais qui vient faire un contraste avec ça. C'est que l'obéissance est exactement ce que Dieu demande. Et là, on a l'exemple de Moïse dans les différents versets ici que je ramène. Mais j'aimerais ça vous lire aussi, qu'on revienne vraiment à la parole de Dieu sur le fait que c'est ça que Dieu demande. Parce que c'est ça qui est important. Si on lit Deutéronome 10, 12 et 13, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes ses commandements, les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Donc, l'Éternel demande de le craindre, de se confier en lui, lui seul, afin de marcher dans ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, pour que tu sois heureux. C'est clair, puis c'est simple. 2 versets disent tout. On va voir psaume 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ou du monde, ou du peuple, même contexte que Aaron, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, il n'y a pas de doute sur ce qu'il y a à faire. Puis il n'y a pas de doute sur les bénédictions qui viennent avec ce qu'il y a à faire. C'est super clair. Et puis Jésus l'enseigne à travers tout ce qu'il fait. Et puis là, Jean nous en parle dans 1 Jean 2, 1 à 6. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc ici, Jean nous rappelle que Jésus nous a enseigné à garder les commandements de Dieu. Donc si on garde les commandements de Jésus qui nous l'a enseigné, qui sont les commandements de Dieu, ça démontre que nous l'avons connu, parce que si on ne le fait pas, on est menteur. Si on garde sa parole, on est en lui, et si on est en lui, il faut marcher comme lui. Donc Jésus nous a enseigné cette obéissance-là, exactement à l'image de ce que Dieu enseigne aussi au peuple d'Israël, mais qui, eux, sont là, leur rôle est pour démontrer en quelque sorte quoi ne pas faire, qui pour nous fournit un enseignement. Je ne sais pas si cette image-là vous parle pour ceux qui sont en gestion ou en tout cas près des concepts de gestion. Ça s'appelle le « servant leadership » en anglais. Mais en fait, je fais le pont avec ça parce que c'est une représentation que je trouve très parlante par rapport à qu'est-ce que c'est d'être responsable selon le cœur de Dieu. Que vous soyez parent ou enfant, mais peu importe dans le rôle, parent, chef d'une équipe de sport ou d'une équipe de travail à l'école, que vous soyez responsable de quelque chose, une tâche, que vous fassiez des travaux d'équipe à l'école. Bien, en fait, ce que la vision typique du monde, c'est celle de gauche. C'est qu'un chef est en avant, il est sous les projecteurs, en quelque sorte. Il est comme valorisé d'être en avant. La vision typique du monde, ce qui est valorisé, c'est souvent ça. Et c'est un piège. Un petit peu comme Aaron qui dit, ben, je voulais être aimé du peuple, donc j'ai décidé de le faire. Un petit peu comme Saül, même chose. Mais la vision selon Dieu, c'est pas ça, être responsable ou être un leader. C'est pas ça, montrer l'exemple. C'est pas de « shiner » en avant, en d'autres termes. C'est de servir tous. Pour Moïse, là, il prend sur lui le péché du peuple, des 3000 qui vont être exécutés. Il prend sur lui, mais à l'image de Jésus, qui prend sur lui tous nos péchés. C'est vraiment ça que Dieu nous apprend ici par rapport à l'obéissance. C'est ça, c'est cette notion-là ici dans le texte. Puis en fait, je lisais dernièrement un article c'est un article dans la presse sur la nouvelle approche en gestion. Puis l'article s'intitulait « Où est passé le courage managérial? » C'est qu'en fait, aujourd'hui, les gestionnaires vont avoir tendance vraiment à aller dans l'image de gauche, c'est-à-dire que « Hey, moi, je veux pas faire de chicanes, je veux pas gérer les problèmes, je veux bien paraître. » Puis c'est vraiment, c'est la désobéissance rendue dans ce contexte-là, à sa plus simple expression. On amène ça aux parents. Résister aux enfants dans le sens de « non, mange pas de bonbons » ou « fais pas ci » ou « fais pas ça ». On n'est pas aimé dans ce temps-là. On n'est pas aimé. Mais est-ce qu'on est là pour être aimé? Est-ce qu'un parent, son rôle, là, c'est d'être aimé, là, c'est d'être le spotlight, là, de ses enfants le trouvent. Ah, ils sont bien extraordinaires, mon parent. C'est pas ça la job. Même titre où c'est pas ça la job de Moïse. C'était pas ça la job d'Aaron non plus. C'est pour ça que Dieu est irrité contre lui. Puis les ados, sinon, vous êtes à l'école, là, vous êtes dans une situation, je sais pas moi, une équipe de sport qui fait des mauvais coups, là, je sais pas, là, ils arrachent une porte de casier, ils font des graffitis, juste quelque chose de plus banal, là, juste des mauvais coups, là, faire des affaires, dire des choses pas correctes. Est-ce que vous allez embarquer là-dedans ou vous opposer? Est-ce que vous allez vouloir chaîner avec la gang ou plutôt dire non? Non, arrêtez ça, là, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que Dieu demande? Si vous êtes dans le rôle de servir, Dieu vous demande d'obéir grâce à cette obéissance-là. Vous êtes des témoins de son alliance. Vous êtes des témoins de ses promesses. Si vous êtes dans un rôle de responsable, Dieu vous demande d'obéir aussi en servant tout le monde, comme Jésus l'a fait lui-même. Et puis, Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. Il nous le dit dans le texte. C'est sa promesse. Donc, ça m'amène au troisième enseignement, qui est aussi un récapitulatif de l'ensemble. Mais c'est que tout ça, c'est très tranchant. Puis, je vous lis un passage pour appuyer cette notion-là. C'est Jésus lui-même qui l'enseigne. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce passage-là, il y a comme deux blocs collés ensemble, qui sont exactement le point qui est venu me chercher dans ce passage-là. C'est dans Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir, c'est Jésus qui dit ça, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Et là, c'est le passage là, de 26 à 31, c'est le passage « Regardez les oiseaux du ciel, considérez les lys des champs », c'est un passage qu'on connaît très bien. Verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc ici, là, le point le plus important, c'est que dans ce passage-là, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Où est-ce que vous mettez votre crainte? D'un côté ou de l'autre? Puis dans la foulée, il dit, inquiétez-vous pas, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Mettez votre crainte à la bonne place, puis inquiétez-vous pas du reste. Exactement dans le même passage. Donc, ce passage-là qu'on connaît bien, pour moi, de le relire avec ce regard-là, m'amener ailleurs. Parce que la question, c'est où est-ce que je mets mes craintes? Mais ma crainte, c'est de manquer de quelque chose. Mais non, je ne peux pas manquer de quelque chose. Jésus nous le dit, Dieu nous le dit. Donc, cette semaine, aujourd'hui, ce matin, là, obéissez à Dieu. Mettez votre crainte en Dieu. Puis si je peux entendre des gens qui disent « Oui, mais c'est pas juste parce que ceux qui le font pas, là, eux autres aussi, là, ça va bien, leurs affaires. » Je sais pas, là, j'ai entendu ça. Vous l'avez-vous entendu? Moi, j'ai entendu. Bien, je vous invite à aller lire Malachie 3, 14 à 21, parce que c'est pas vrai que c'est pas juste. À la fin, c'est juste. Vous avez dit « C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » On pourrait dire ça du monde aujourd'hui, hein? Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs qui est écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Donc, on va la voir, la différence. Là, aujourd'hui, c'est comme le blé et le... Et le, et le pardon? L'ivraie, l'ivraie, le blé et l'ivraie qui poussent ensemble. On ne voit pas trop la différence. Mais on va la voir, la différence. C'est écrit. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Clin d'œil aux veaux, mais là, ce n'est pas le même. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, ne dites pas que ce n'est pas juste, on ne le voit pas encore, mais il y a un livre qui est écrit. Et puis, n'oubliez pas, si des fois c'est décourageant, ben vous avez vos frères et sœurs. Et 1 Pierre 3:12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Vous avez aussi le Seigneur avec vous. Bonne semaine.